Tu taffes dur, charbonnet à lacet. T'inquiète, ton présent sera ton pour aimer, pas pour haïr. Souvent mon amour propre n'a fait que de me salir. Se plaindre c'est fatigant, un sourire devient intrigant. Soit t'es flic ou soit t'es brigand, mais non c'est pas ça la vanne. Sur un trait qui chuchote, qu'est-ce t'espères? Comment retrouver ses pas, c'est bon, c'est que le reste espère. Viens pas tester, espère, car je reste très ferme. Laisse les stères, je reste très fier. J'implose face aux épreuves, comment me contenir? J'implose, les miens me soulagent, ces liens me font tenir. J'implose, question de persévérance, laisse pas sans desserrer les dents. J'implose, coupe mon télévision, je m'interdis d'aller. Est-ce que je dois profiter de ma life? Rien avant que ma vie s'écoule, laisse pas sans dire que faire de ma life. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite. Entrée sous tir, sort dans les. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je vais pas à la baraque à Drake. Yeah. Je vais monter un au bladé bien balicadé. Demande à balicadé. Le gym c'est la famille. Tout le reste est gâté. Si je voulais tout de suite. Je voyais les choses en grand valet que je touche le smic. Petit, hey, ferme ta gueule. Un parler d'argent ici en France c'est à vous. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie, on te regarde mal. Ne sais pas de débattre si les gens parlent mal. Bienvenue à ici des bien banales. Est-ce que je dois profiter de ma life? Rien avant que ma vie s'écoule. Je ne sentir que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Mais quel génie. Tu veux tout de suite. Espace temps. C'est une course poursuite. Moi je m'y. Voilà pour cette semaine avec beaucoup beaucoup de live, hein, et on a pas c'était tout mis du encore. Lourd, franchement je me suis pris des gifles dans les oreilles, rien à dire, c'était du lourd, Maska sur Skyrock. Saluons Elio Petrodollar qui vient de faire son apparition. Ouais, salut, mais bon on n'est pas là pour moi aujourd'hui, on est là pour le putain d'album de Maska, allez le péter lundi, merde. Et ou alors dès maintenant on précommande, en plus on a un titre en plus. Exactement, qui est tout le mal, qui est en featuring avec Stan qui est ici présent ce soir. Et qui est le beatmaker de Section d'Assaut avec Renaud, hein, des, ils sont deux principaux beatmakers. Il y a donc Stan qui est là, qui est arrivé. Bonjour, bien Stan, en forme. Salut, tout roule. La vie est belle, Eh ben écoute, la vie est belle, et ce passe-temps aussi. Bel album de Maska. Mm-hmm. Ah bah on a beaucoup taffé, ça fait depuis après l'apogée que on a commencé à travailler dessus. Et franchement c'est le plus gros taffeur, on va dire. Un des plus gros taffeurs de la section. Parce qu'il a fait 60 sons à peu près. Ouais, ce que tu nous disais en début de semaine et que finalement le résultat c'est 15 morceaux sur l'album. Je pense qu'il a fait le prendre la crème de la crème. Voilà. Exactement. Et faire disparaître les autres ou les mettre dans un tiroir. Bah ça dépend, ça peut servir en capsule ou les repimper ou les réexploiter par. Après ça veut pas dire que les autres ils sont moins bien. C'est-à-dire que en fait il faut une polyvalence dans un album. Il faut un équilibre, il faut qu'il y ait des morceaux qui bougent, il faut qu'il y ait des morceaux qui soient plus sensés, etc. Pour pas. Voilà, donc c'est juste qu'il y a des morceaux qui se ressemblaient trop, donc je les ai mis de côté. Bon, t'es fier de ton album en tout cas. Complètement. T'es prêt à le défendre pendant plusieurs mois. Toute la vie, L'album solo de Maska, c'est lundi dans les bacs. On met pour débuter le morceau Rien sans les autres. Allez, c'est parti. Allez, coup d'envoi de ce Planète Rap. Maska avec nous et le hashtag Maska sur Skyrock, allez-y. Espace-temps. Vent top dans les bacs. Yeah. Dans les bacs. 3 jours dans les bacs. On voit chez les autres ce qui se cache en nous. Oui, c'est un défaut qui nous unit tous. On se sent au-dessus des gens, sur eux on s'accoude. Et on tend la main que quand on est dans la poule. T'étais censé faire du genre, mais t'as rendu tes parents fous. Tu parles pas la même langue depuis 5 ans, tu parles en sous. Dès que t'as pété le magot, t'oublies tes potes, tu pars en douce. Mais à quoi sert ton gamos dans un désert ou dans la brousse? Je fais pas de différence, je dépends pas de ce qu'on pense. Quand on perd nos proches, c'est pas nos plaies qu'on pense. Quand on fait du bien, y'a très peu de récompenses. Mais ta morale te suffit, n'hésite pas, recommence. Mais c'est là, le vent tape dans les packs. Oui, je suis canard. Comme les autres, Maska. Rien sans les fautes, rien sans les autres. La peau sur les os, les biens sont les fautes. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Car on refait beau sur je vois mes défauts. Car on refait beau sur je vois mes défauts. La peur de l'étranger ne rassure pas la France. Elle s'auto-terrorise, il n'assume pas sa chance. Tu m'as donné la force, j'ai pas su la prendre. Le mal est normal, car le bien est étrange. Quand t'as rien mangé, t'envies les gens la dalle au ventre. Solo contre tous, c'est comme un crachat face au vent. La modestie est belle, la jalousie est arrogante. Je vais finir incompris comme un indien qui parle aux plantes. Même les boxeurs défendent des coups, leur adversaire. Des choses me poussent au crime, mais panique pas, je suis pas Dexter. Rien à dire l'homme d'espèce, ne parle que par l'espèce. Tu sais mon frère ce que t'aimes, te brûle quand il s'éteint. 20 top dans les bacs. Je suis canard. Dédicace à mon gamin Namso, on est ensemble. sur les autres, les biens sur les vôtres. On se rejette la faute, les uns sur les autres. Car dans le reflet, vos yeux joignent les défauts. Car dans le reflet, vos yeux joignent les défauts. On se croit tous meilleurs que les autres et c'est pour ça que personne ne l'est. En réalité les anges ne sont pas à Los Angeles. On agit chacun pour soi bien qu'on soit rien sans les autres. On aimerait être parfait, je serais pas humain sans mes fautes. L'homme est sociable malgré tout l'ego qu'il a. Le député s'en parle car y'a le ghetto qui râle. On a plus besoin des autres que de ce béto qui fade. Le 20 octobre dans les vannes, espace-temps. Yeah. Qui résonne. Lundi dans les bacs. J'ai qu'un œil sur Masca, section d'assaut, Matibé. C'est bête ou quoi frère? On n'est rien sans les autres. On peut pas se voiler la face. On a tous besoin des uns des autres. Lundi dans les bacs. Espace-temps. Sur joie mes défauts. Rien sans les autres. Masca avec nous toute la semaine, entre 20h et 21h, l'album Espace-Temps et Rien sans les autres à l'instant sur Skyrock. Exactement. Entre 20 et 21. Masca, qu'est-ce qui te semble important de dire sur cet album qu'on a peut-être oublié durant la semaine? Quelque chose que tu voulais peut-être accentuer? Non, franchement, je pense qu'on a, balayé un petit peu tout. On a, après, voilà, la seule chose qui manque, c'est l'écoute totale de l'album. J'ai fait découvrir beaucoup de titres, hein. La très grande majorité. Il y a vraiment pas beaucoup de sons que j'ai pas fait découvrir. Il y en a quelques-uns. Maintenant, voilà, c'est aux auditeurs d'aller l'acheter et puis de dire ce qu'ils en pensent ou s'ils apprécient. Bah, dites-nous d'ailleurs les morceaux que vous préférez, ceux qu'on a balancés cette semaine, ceux que vous avez peut-être découverts en achetant l'album, puisqu'on rappelle qu'en précommande, vous avez un titre tous les jours depuis le début de semaine. Exactement. Et puis, j'ai vu que Mama revenait souvent, donc on va probablement le rebalancer avant la fin de l'émission. Dites-nous avec le hashtag Masca sur Skyrock vos morceaux préférés, allez balancer ça là pendant quelques minutes. Nous par contre on est parti dans la rue demander aux gens ce qu'ils pensaient de toi. Ok, d'accord. C'est le son de la rue. Yes. Allez, c'est parti maintenant. Planet Rap. Le son de la rue dans Planet Rap. C'est toi qui parles à la télé sur Skyrock. Évidemment là on passe à la radio. Yes, he has a really really good voice. Sound good. Tu nous entends? C'est celui de... Vraiment, là. Non, c'est le blanc. C'est section d'assaut. Il est beau. Viens, ce bras, je t'invite au grec. C'est un souci. Tu vas au grec? Ça va, mais pas toutes les gens font. Continue, t'es un bon. Ouais, bien sûr que j'aime bien. Ça va, il se défend. Ouais, j'aime bien l'ensemble. J'aime bien le rappeur en lui-même, tu vois. Ouais. C'est une de rap, là. Planet Rap. Ouais, c'est ça. Sur Skyrock. Voilà, petit aperçu, t'es invité au grec. Okay. Tout se passait dans un grec, en voilà, fait. Voilà, t'es invité au grec. Non, je sais pas, il y a quelqu'un qui t'a invité au resto. Mmh. Et a priori, donc voilà, les gens, c'est vrai qu'ils s'identifient vachement avec le blanc, mais c'est le côté que t'as joué aussi de la section, hein, évidemment. C'est vrai, après les gens, je pense qu'ils vont vraiment me découvrir avec cet album, parce qu'il y a plein de choses que je faisais pas forcément auparavant, et que j'ai abordé, que j'ai essayé de maîtriser, et j'en suis satisfait, donc j'espère qu'ils le seront aussi. Donc c'est vrai qu'au sein de section d'assaut, j'avais vraiment cette couleur d'écrivain, et puis je me contentais, on va dire, entre guillemets, que d'apporter cette couleur pour qu'on puisse être identifié. Maintenant, dans cet album, j'ai chante, je varie plus les flows, etc. Et c'est des choses que je savais faire, mais que je mettais pas en avant. Donc là, je me suis vraiment fait plaisir. Quelque chose aussi que, alors, peut-être pas appris, mais en tout cas, t'as pris des cours pour chanter aussi. Pour les chants, c'est vraiment le domaine de la musique qui est le plus récent pour moi. Donc après, j'ai pas une vocation à être un soprano ou quoi, mais de maîtriser les mélodies que... C'est un truc que t'avais jamais fait, ça. C'est une découverte totale, les cours de chant. On s'essayait, on en rigolait un petit peu, mais sérieusement, vraiment, prendre une prof de chant qui vient une à deux fois par semaine et qu'on bosse vraiment le truc, etc., c'est un truc que j'avais jamais fait, non. C'est important, tu penses que chaque artiste à un moment devrait passer par là aussi, parce que ça te donne des bases, des... Ouais, je pense que c'est clair que pour... Même dans le rap, parce que c'est vrai qu'on peut se dire dans le rap, bon, est-ce que c'est nécessaire, mais... Non, dans le rap, c'est nécessaire parce que ça t'apprend bien aussi à poser ta voix et à la maîtriser. Ça va, tranquille. ça t'apprend à la maîtriser. Donc forcément oui, c'est nécessaire je pense. Et puis pour l'amour de la musique et puis pouvoir faire d'autres choses et s'ouvrir des portes, apprendre à chanter, c'est essentiel. Il y a Stan hein, qui est d'accord, Stan qui a composé aussi, qui a beaucoup bossé sur l'album. Ouais. Ouais. Qui chante lui-même sur l'album dans le morceau Tout le mal qu'on va écouter à l'instant, c'est Stan qui lui-même se lance, bon il va vous en parler hein, lui-même dans une carrière. Donc voilà. Et bon, on le découvrira tout à l'heure le morceau. Le premier morceau commercialisé, on entend la voix de Stan. J'ai l'honneur que ce soit sur mon album, j'en suis très content, c'est un très gros morceau. Et bon, on va découvrir Stan dans un instant, ou alors on le met maintenant comme vous voulez. Ouais, maintenant, vu que l'intro a été faite. Donc tout le mal, le morceau s'appelle. Tu veux dire un mot toi Stan dessus sur ce morceau, sur ta première apparition sur un album. C'est un honneur que ce soit sur l'album de Maska déjà. Et c'est un très très très beau morceau. Et Maska au niveau de l'interprétation, il m'a vraiment surpris. Et à vous de juger maintenant. Eh ben, à vous de juger, vous balancez les messages avec le hashtag Maska sur Skyrock. C'est un morceau qui s'appelle Tout le mal, c'est le morceau qui est dispo aussi quand on précommande l'album. Vous pouvez le précommander tout de suite. Quand vous avez vous précommandez l'album, vous le recevez tout de suite illico. Donc si vous l'aimez, précommandez l'album, vous le recevrez directement dans votre iPhone. Allez, c'est parti, on met le morceau maintenant. Tout le mal que l'on m'a fait. Tout le mal que l'on m'a fait. Tout le mal que l'on m'a fait. Comment pardonner tout le mal que l'on m'a fait, tout le mal que l'on m'a fait, tout le mal que l'on m'a fait, comment pardonner? J'étouffe ma haine pour pouvoir respirer. Passe le bilan ce soir, tu me laisses tirer. Toute cette rage en moi, je me demande destinée. La vie a pris mon père dans mes bras décédés. La douleur qu'il y a dans mon cœur, je pourrais pas te l'expliquer. Tu veux des vérités? Non, j'ai pas mérité. D'être jugé, trahi, trompé, j'aimerais les étriper. Comment me domestiquer? Je suis comme un pit sans laisse. Je vais finir triste en hesse si le tout puissant me laisse. Négligé par ce thème, je crois pas que tu piges en fait. Méprisé, dénigré, cafouillage, prise de tête. Même si vous étiez dit, je vous ai pas pris en traite. Faut que les flics en fait, leur contrôle qui te rend bête. Incarcéré à Fresnes Fleury, mes potes d'enfance en tête. Dans mon argent, je m'enterre, de Hassan Edge, je m'endette. J'arrive plus à penser, je suis comme un corps sans tête. Tout le mal que l'on m'a fait. Tout le mal que l'on m'a fait. Tout le mal que l'on m'a fait. Comment pardonner? Je me sens seul même quand on chante devant 20 000 personnes. Si je dis tout ce qui m'a blessé, ben j'ai bien peur que vos cœurs se perdent fort. Un frère dans la coque et c'est moi qui fais des nuits blanches. J'appréhende l'année suivante, la vie est flippante. Ceux qui parlent derrière mon dos sont bien placés pour que je leur chie dessus. Dites aux médias de bien réfléchir avant de vouloir nous tirer dessus. Car on s'est relevé plus fort. Le mal qu'ils nous ont fait est resté bloqué dans mon corps. Quant à ceux qui me critiquaient, car j'étais le seul blanc du groupe. Dieu merci, je suis pas comme vous, je suis plus ouvert que vos cœurs fourbes. J'oublierai pas toutes ces bavures, humiliations de keuf ingrat. Plaqué sur le sol, baggy baissé, ça ma fierté s'en souviendra. Mon ami, le ventre ouvert, ça a scellé mon cœur. Tout liquide que je bois ne fait qu'accélérer mes pleurs. Je pourris de l'intérieur, je nourris mon mal-être. J'arrive plus à penser, je suis comme un corps sans tête. Tout le mal que l'on m'a fait. Comment pardonner tout le mal que l'on m'a fait, tout le mal que l'on m'a fait, tout le mal que l'on m'a fait, comment pardonner? Tu m'as trahi, pas très maligne, tu donnes ton cul mais tes radines du cœur. Dis à ta mère ce que t'as pas dit, que t'es parti donner ton corps. Pourquoi je t'ai donné mon temps? T'étais qu'une putain bon plan. T'as de la chance, t'as pas les femmes. T'aurais perdu toutes tes dents. Noie-toi dans tes larmes. Mort t'as plus de charme. Je t'ai donné mon cœur et tu l'as tes jeux dans les flammes. Papa t'a quitté à ta naissance donc tu ne sais pas quitter. Il a bien fait de partir, t'es qu'une putain qui a pas de pitié. Napoléon n'est pas un peintre, t'es qu'une teubé, t'as rien pigé. Je plains ceux qui vont t'aimer, ton sourire est piégé. Je t'aimais, j'étais sincère, aujourd'hui je te déteste. J'arrive plus à penser, je suis comme un corps sans tête. Tout le mal que l'on m'a fait. Stan. Tout le mal que l'on m'a Oscar. Fait. Tout le mal n'est-ce pas que Stan. L'on m'a fait. Comment pardonner? Lundi dans les bacs. J'ai le sentiment que mon cœur est en train de mourir. l'instant, le morceau qui s'appelle Tout le mal, donc avec Masca et avec Stan, qui pose donc pour la première fois. Yes. Sur un album. Ouais, celui de Masca. J'ai vu dans des comparatifs élogieux pour toi en disant putain, il a la voix de Corneille, il défonce. Magnifique. Pas mal. Ouais, tu souhaites le même parcours, hein. Et il a sa voix, lui, je trouve que sa voix est très atypique et bien et trempée d'émotions et de sentiments. Même l'outro qu'il a faite, et c'est quelque chose d'énorme et ça a porté le son vraiment. Donc merci Stan. Merci Stan qui a bossé sur les prods, qui pose aussi dessus. Sur le refrain, exactement, c'est la prod de Stan. C'est vraiment ça, c'est son chef d'œuvre. Après moi, la relation que j'ai à la musique, comme je te l'ai dit, parfois j'aime bien vider mes peines dessus et ce morceau en fait partie. J'en ai, on va dire qu'il y a quoi, il y a quatre morceaux un peu comme ça dans l'album, et celui-là en fait partie. Donc moi, je te remercie pour le bon morceau que ça a donné, et aussi pour me donner cette possibilité de vider ce que j'ai sur le cœur, et c'est comme ça que je le fais, c'est avec la musique. Et toi, composer, c'est pas un truc qui te... Pour l'instant, moi je compose pas, mais parfois je vais voir Stan, je vais dire voilà, j'ai une idée, par exemple Prêt à tout, le morceau qu'on a écouté, qui est en vente là sur iTunes. Ça c'est une idée de mélodie que j'ai en tête. Je dis voilà Stan, je vois ça, un côté un peu plus calme, et puis après un truc plus rythmique, et après il va commencer à partir dessus. Donc je peux donner des bases de mélodie, mais vraiment la composition elle appartient à Stan ou à Renaud. Et c'est pas un truc qui par la suite t'attire, ou... Je sais pas faire de guitare ni de piano, tu vois. Mais après, il y en a plein qui ont pas fait. En même temps, il y a plein aussi de producteurs, de mecs qui aiment bien aussi avec les ordi, les différents programmes, machin et tout. C'est juste une question d'inspiration en fait. C'est juste ça en fait. Ouais, et puis attends, parce que. Et Masca, ça va quand même, il a proposé quand même 4-5 bonnes idées quand même pour l'album. Sur les mélodies, sur tout ça. Exactement. Et franchement, elle a fait son taf quoi. Et bon, on découvre l'album encore ce soir entre 20 et 21. Tu feras deux morceaux d'ailleurs. Tout le mal, tu le feras en live tout à l'heure. Non, c'est pas Tout le mal, c'est Rien sans les autres et Espace-temps. Et Espace-temps, d'accord. C'est un autre morceau, c'est l'outro de l'album. Ça porte le nom de l'album. C'est un morceau qui me tient à cœur aussi. Mm-hmm. En fait, aujourd'hui, le thème, je sais pas si t'as calculé depuis le début de la semaine, il y a un peu des thèmes. Mardi, c'était un concept yin-yang. Mercredi, c'était plus tube avec Shinsekai, Rama, tout ça. Hier, c'était plus freestyle. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma couleur sensée, remplie d'émotions et un peu triste. Voilà, ça c'est le thème d'aujourd'hui. C'est comme ça que je pars. Je termine l'album comme ça, donc je vous laisse avec cette couleur-là. Pour le week-end en dépression. Après, tu mets relativise et tout. Bon, en même temps, on a pu découvrir, et je trouve cette semaine en tout cas, voilà, que Masca, c'est pas non plus que ça dans les textes, parce que je trouve que t'as pas mal rigolé, t'as pas mal déconné aussi. Je reviens à ma couleur première, celle de trempée d'émotions, le sombre, ténébreux, froid et triste. Tiens, Elio, tu veux dire un mot d'ailleurs, vous qui nous connaissez depuis longtemps, depuis l'époque Section d'Assaut, même bien avant. Tellement de choses à dire. Non, mais sur Masca, sur l'homme, sur d'accord, le côté humain. Laissez-moi faire une déclaration à Masca. Ah, c'est l'heure de la déclaration. Gars que je connais depuis X années. C'est. Voilà quoi. Écoutez l'album, vous allez apprendre à découvrir l'homme. Quelqu'un de vrai, sincère. C'est, sa plume le représente très très bien. Comme il a dit, sombre, ténébreux, tu vois, c'est. Comment dire ? J'ai envie de dire, il revient de loin, tu vois, dans Section d'Assaut, c'était lui la minorité visible. Tu vois ce que je veux dire? C'était lui le ying, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est depuis l'époque où t'ancien Masca, qu'on allait toucher Watt, pour s'entraîner à rapper, ceci, cela. J'ai la larme à l'œil, là. Bref, achetez l'album et vous allez découvrir l'homme. Bon, et c'est bien aussi de rappeler que c'est vrai que c'est une longue histoire de potes avant tout. Ouais. Mais tu le dis d'ailleurs dans les morceaux. C'est clair, c'est ça qui nous a aidés, c'est ça qui nous a construit cet amour pour la musique et puis pour d'autres choses qu'on a traversées aussi. Voilà. On va revenir dans un instant, mais je n'ai pas salué encore l'insolent qu'il est, qui s'ambiançait sur le morceau, sur ton morceau. Excuse-moi Fred, mais c'est l'inso maintenant. Ah, oui, c'est vrai, excuse-moi, l'inso, pardon. C'est fini l'inso. Oui, je sais, en plus tu me l'as déjà dit. Donc, autant pour moi, donc l'inso. Ça va Fred? Mais tu t'ambiançais quand même, hein? Ouais, j'ai pas compris, en fait, j'ai pas entendu ça. Okay. Comment? Non, mais je vais mettre la pub, c'est bon. Oh, la crampe que tu as. Il demandait si tu t'ambiançais. Non, je disais, tu t'ambiançais sur le morceau qu'on vient de passer. Je te voyais, tu étais très concentré. J'étais choqué. Ouais. J'ai dit à Masca, je viens de l'entendre, là. J'ai même pas écouté bien son album. J'étais choqué. C'est pour ça que tu peux écouter rien d'autre. Tu peux plus rien écouter à part. Non, franchement, là, j'étais sous le choc encore. Mais franchement, l'album, il est très, très, très lourd. D'ailleurs, rendez-vous à Paris le 20 octobre à la Watchy Boutique, à Food Corner d'Épinay le 27, à Food Corner du Havre le 28 pour les séances dédicaces avec Masca. Et voilà, Espace-temps le 20 Watchy octobre. Watchy Boutique, t'as oublié, à Marseille? Non, ah ouais, et la Watchy Boutique à Marseille. Excusez-moi les Marseillais, on est ensemble. Le 1er novembre. À CD, acheter un t-shirt offert. Et venez nombreux, voilà, la Watchy Boutique lundi, hein, on le répète, c'est important, venez nombreux. Voilà. Vous signerez toutes les dédicaces que vous voulez, les photos, vous aurez des t-shirts si vous venez avec le CD, voilà, on est ensemble. Et le lien, il est toujours sur iTunes, précommande. On vise la première place. C'est-à-dire, faites péter. Et là, on vous a offert un gros son avec Stan Poto. Tout le mal avec Masca. Franchement, je suis choqué. Je ferme ma gueule. Ne bougez pas, dans un instant, on va revenir sur ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on balancera d'ailleurs après la pub, Masca? Bah, après, c'est vrai qu'il y a Mama qui a beaucoup été demandée. Alors, là, il reste plus qu'à laisser profiter de ma life et Mama. Soit, si vous voulez Mama tout de suite, demandez-le. Profitez de la pub. Envoyez vos messages. Avec le hashtag, c'est soit Mama, soit profitez de ma life. Avec le hashtag Masca sur Skyrock, dites-nous. Et on revient après ça. Après le premier Planète Rap. Comme toi, Masca a choisi Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Et l'album Espace-Temps qui arrive lundi dans les bacs, ça y est, on y est, on arrive à la ligne d'arrivée, on est essoufflé, on n'en peut plus, mais on est heureux de pouvoir avoir en tête qu'on puisse soulever une coupe. Un jour. Et un sablier pour l'instant. Un sablier d'or. Donnez-moi le sablier d'or. On veut des disques d'or maintenant, si on veut le sablier d'or. Exactement. Allez-y, en tout cas, l'album est dispo en précommande, on peut toujours y aller. Ou alors, si vous aimez bien le support physique, avoir l'album. Toi, t'es plutôt quoi, Masca? T'aimes bien. J'aime bien le physique quand même. T'aimes bien l'objet, hein. Ouais, physique. Non, mais surtout qu'il y a un super livret où il y a des vidéos. Quand on télécharge l'application, ça, on en a pas assez parlé dans la semaine. Mais on télécharge l'application Watibé, il y a la réalité augmentée dedans, pardon. Et vous pointez avec votre iPhone la pochette et le livret. Il y a deux vidéos inédites qui figurent dedans, donc ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Je me suis pris la tête à faire tout un concept, etc., qui est plutôt intéressant et sympa, dans le livret et puis dans la pochette, donc ça vaut le coup. Donc on rappelle, l'application Watibé réalité augmentée, elle est gratos, on peut la télécharger gratuitement partout. Et après, vous pointez sur l'album et vous avez du contenu exclusif. J'ai mal expliqué, hein. Parce que j'accentue. Pour bien rappeler que, en plus, c'est des nouveaux moyens, donc c'est important de bien préciser, parce que parfois, t'es à l'écoute de l'émission, tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a dit, réalité augmentée, c'est quoi? Donc je me suis permis, mais je le referai plus. Refais-le, au contraire, c'est très bien. Est-ce que je peux redonner par contre des dates de dédicace? Allez, vas-y. Allez, c'est dès lundi, si vous voulez rencontrer Masca, c'est le 20 octobre à la Watibou. C'est l'après-midi, hein, généralement, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est 16-17h. À partir de 16h. Ouais. Watiboutique le 20 octobre, Food Corner d'Épinay le 27 octobre, le Food Corner du Havre le 28 octobre et Watiboutique de Marseille le 1er novembre. En plus, c'est les vacances, je suis en train de penser à ça, dis donc. C'est les vacances. On vous attend, les enfants. Venez nombreux. Bonnes vacances à tout le monde. Yes. C'est un moment que t'attendais, Masca, ou quoi? Le moment des vacances? Quand j'étais au Bahut. Ouais, quand même. Je pense qu'on l'attendait tous. C'est rare les mecs qui disent putain, je suis en vacances, relou. Laissez-moi vous dire la vérité. Même pendant l'année, il était en vacances en fait. Il s'est quasi déscolarisé. Non, ça va. Mais non, il a dit en plus qu'il écoutait, il était très bon en cours de français. Ouais, justement, c'est pour ça qu'il avait pas besoin de venir tout le temps. Tout ça, en fait. Il n'est pas prêt, Fred. C'est aussi une spécialité, t'as raison. Avant de retrouver le freestyle par téléphone, on met un morceau. Alors, les messages, je crois que. Ah ouais. Je crois que c'était Mama. Je crois que c'est clair. C'est largement Mama. De loin. Mama, il a vraiment une grande majorité, donc on va vous faire ce plaisir-là. Voilà. Mama, c'est extrait de l'album Espace-Temps qui sort lundi. Espace-Temps, le vent tape dans les bacs. De ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi pour tout ce qui me va. Lundi pas. Dans les bacs, loin de toi et sois fier de péter, moi. Allez, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'ai cédé, votre temps. Toi, je suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. Les femmes tournent autour, mais t'es le seul amour de ma vie. Je te raisonne souvent, mais je serais déjà fou sans toi, ma fille. Si Dieu m'a donné des yeux, c'est juste pour voir les tiens. Le destin nous sépare bien, mais pourtant cet amour nous tient. Y'a pas. J'oublie toutes mes peines quand tu m'enlaces si gentiment. Envers toi trop de sentiments, quand t'es près de moi je me sens vivant. Je t'aime donc je te bombarde de bisous tant que je le peux. La vie est dure mais devient pure quand je la vois dans tes yeux. Pardonne-moi, reste près de moi. Je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi, pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi, et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman, sans toi je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman, ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi, maman, je t'aime, t'es ma douceur. Tu m'as porté dans ton corps, comment pas te porter dans mon cœur. La richesse qu'a dans ton cœur est la seule qui cause pas de malheur. Je me sens mal quand je dis maman, laisse-moi, je dois te rappeler tout à l'heure. Tes rides changent ton visage, mais ton sourire restera intact. Ton âme reste si douce malgré la vie et ses impacts. J'assumerai pas que tu partes, je serai pas assez fort. Je tomberai dans l'alcool fort si t'es pas là face à mes torts. Pardonne-moi, reste près de moi. Je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi et sans fier de moi. Pardonne-moi, maman. Sans toi, je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, maman. Ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. Mamie, je t'aime, ta voix me manque. Mais t'es six pieds sous terre, je peux pas faire autrement. Prends soin de ton fils, prends soin de mon père. Depuis qu'il t'a rejoint, dis-lui que son garçon se perd. Maudit cancer, t'étais si forte. T'es toujours dans ma tête, pour moi tu n'es pas morte. Qu'est-ce que je dois faire sans tes conseils? Comme un arbre sans ses racines, je sens que je sais. Pardonne-moi. Espace-temps. Wouh. Pardonne-moi. C'est pas des blagues. Oh. Pardonne-moi, reste près de moi. Je veux pas de ce monde, je veux juste tes bras. Pardonne-moi, pour tout ce qui ne va pas. D'être si loin de toi, et sois fier de moi. Pardonne-moi, maman. Sans toi, je ne suis pas vraiment moi. Pardonne-moi, un bim. Maman, ma vie n'a pas de sens sans toi. Pardonne-moi. Lundi. Masca, le blanc. Masca avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Et donc ce morceau Mama, alors qu'il y a un thème en plus qui a été pas mal exploité en l'occurrence dans le rap et tout, et qui est un thème pas facile non plus à écrire hein, autour de. Bah après, ce qui a beaucoup été exploité, c'est comme on l'a fait avec Avant qu'elle parte, c'est un thème concentré sur celui des mamans, de l'amour qu'on porte à nos mères. Mais là, c'est un peu différent. C'est plus destiné à la femme en général. Ouais. Parce que je parle de ma fille, je parle de ma mère et de ma grand-mère. Donc c'est aux femmes que j'aime le plus dans toutes les générations. Donc voilà, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans ce titre-là. Comme je l'ai dit, c'est un album intimiste mais qui parle aux gens parce que je vis la même chose que tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est un morceau qui sort des tripes et que j'avais envie de faire. Masca sur ce qui est. En même temps, il sort des tripes et les gens sont réceptifs en tout cas. Ouais, parce que je vois le nombre de messages. Exactement, je crois que c'est un des morceaux qui a le plus de succès cette semaine. Masca, Mama, je crois que tu as touché le cœur des Wati soldats. Et Elio, pas que aussi. Qui, moi? J'ai vu, t'avais la larmichette à l'œil. Ah ouais, non, le morceau est grave émouvant. C'est comme il a dit, hein, ça, je sais pas. Ça part de la fille, la mère, la grand-mère, tu vois ce que je veux dire? En gros, toutes les femmes, quoi. Wally, Wally. On va dans un instant mettre peut-être un autre morceau avant le live. Pour finir, tu vas finir sur un morceau live qui est le Espace-temps. Ouais. Exactement. Donc un morceau important parce que c'est aussi le nom de l'album, donc c'est tout. C'est le morceau qui clôture l'album, donc je clôture ma planète rap avec ça. Ou c'est encore un morceau, je me lis beaucoup. Aujourd'hui, je te dis, je sors mes tripes sur la table, je dis ce que j'ai à dire. Tout. Voilà, mercredi c'était le côté festif, on rigole, etc. Aujourd'hui, c'est un peu le côté obscur de. Mais pas forcément obscur parce que ça fait du bien de ta personnalité aussi. Exactement, ça fait partie de moi aussi, bien sûr. Espace-temps donc en live dans quelques minutes, on mettra peut-être un morceau avant. Profitez de ma life. Ah bah très bien. Hey. Avant d'attaquer Espace-temps. Exactement. On mettra une bonne mise en bouche. Profitez de ma life et juste avant, je vous présente Kino d'Evreux. Salut Kino. Salut, bien quoi Fred? Ça va et toi Kino? Ouais, tranquille hein. Bah bienvenue dans le Planète Rap, dernier Planète Rap de Masca ce soir. Ouais, j'ai suivi toute la semaine là, il est chaud. Hein. Il est chaud, l'album va être lourd. Ouais. Merci, l'album c'est lundi dans les bacs et toi Kino, c'est maintenant sur Skyrock, t'as une 30 pour tout défoncer, on t'écoute. Oh ouais. En direct de la street mon gars, de cette zoo. Aïe. Ok. J'ai trop de rivaux, mais ils ont pas mon niveau. Tu veux me taise, gros? Je fume comme ma daro tous les jours au quartier. Normal que je deviens paro dans une cage d'escalier avec un bon joint de béton. Combien son béton à cause d'affaires bidons? La rue, c'est pas un genre, peut te mettre une balle entre les deux yeux. Me compare pas ces rappeurs, j'ai rien à voir avec eux. J'ai la galère sur le terre, donc je fume un gros joint de béton. Je calcule pas tes haineux. Non, je reste loin d'eux. Ça fait longtemps que c'est la demeure, mais bon, je me démerde. Tempérament nerveux, normal, ça vient d'Evreux. C'est pas le malin par ici, où on coupe la tête en deux. Voilà, y'a trop d'envieux qui veulent ruiner ton business. Il faut les mecs blindés, il faut les mecs qui pèsent. J'ai un match assis toute la semaine, et le week-end, t'es m'l'air. Mais on le sait tous que t'es par terre, donc arrête de kidem. Moi, je suis pas là pour que tu m'aimes, je suis là pour que tu m'écoutes. Pour que tu m'écoutes. Pour que tu m'écoutes, gros, aïe, ça vient du 2-7, on est hal. Ok, Kino. D'Evreux à l'instant en freestyle, merci à toi, Kino. Tu veux balancer Je veux passer une dédicace. Je vais te proposer, vas-y, vas-y. Ouais, dédicace à tout mon 2-7 qui m'écoute. Dédicace à tous mes gars qui sont là. Alka, Chat Noir, Nagou. Ah oui, ah ouais, toute la cité derrière. Si, si. Ah, il y a une grosse équipe, on les entend derrière. Aïe, aïe, aïe, c'est du lourd. Ouais. Kino, alors vas-y, donc on en est à Chat Noir, qui d'autre? Ouais, Chat Noir, Toxique, Oussou, Rachid et tout le reste qui sont là, mes gars. Merci à toi, Kino, et tous tes potes là-bas du côté des Vosses. Ça rappelle des souvenirs ou pas, vous, les gars, quand vous étiez en grosse équipe Ah ouais, ouais, ça kickait sale, on dormait pas de la nuit jusqu'à fatiguer, jusqu'à ce qu'on ait plus de salive et qu'il fasse. Et qu'on doit rentrer. C'était où d'ailleurs les points de rendez-vous pour vous à l'époque? C'était plutôt dans la rue chez des potes? On rappait beaucoup, les freestyles c'était beaucoup dans la rue, donc avec les petits du quartier, Gamara qui était là sur le côté à nous regarder avec leurs yeux rouges. Je les espionnais. Il y avait, à cette époque-là, il y avait un mec là qui est derrière toi là qui s'appelle Abim, qui est un ancien de section d'assaut aussi, qui était là tout le début quand on était 40, quand on était en masse. Donc voilà, ouais, on a commencé comme ça. Donc si vous êtes dans la rue et que vous kickez, que vous sentez un gros potentiel, ne lâchez rien et vous arriverez à réaliser vos rêves. Et donc toi, tu regardais l'inso, tu étais là, Franchement, j'étais là tout le temps. Franchement, je te mens même pas. H24. Tous les il connaît cités. Mieux la street que le bitume lui-même. C'est quoi? Il est là depuis... J'étais dans leur première mixtape, La Terre du Milieu. Il y a que moi qui a posé dedans. Ouais, c'est section d'assaut, putain, insolence. Ouais. Tu penses d'ailleurs, 17 toi, Masqué, est-ce que t'as pris du recul par rapport à cette période et tout? Est-ce que t'aurais pu te dire que il y aurait eu la carrière section d'assaut, maintenant toi en solo, c'est des choses auxquelles tu repenses régulièrement ou tu vas toujours de l'avant et tu dis bon bah voilà c'est passé. Moi bon, en solo ça fait quand même un moment, mais c'est vrai que sans paraître prétentieux, section d'assaut j'y croyais énormément quand j'étais au lycée. J'étais là, j'étais en train de. Je disais aux gens vous me voyez rapper tout seul contre le mur, mais vous inquiétez pas, on va j'suis tout niquer, seul, etc. Je suis pas seul, mais je suis pas seul. Voilà, et là encore la dernière fois j'ai croisé un commerçant qui m'a dit ouais je me rappelle de vous, c'était il y a 2-3 jours, il m'a dit ouais vous étiez 10 dans l'octambus à rapper, vous êtes descendu, vous m'avez regardé dans les yeux en me disant tu verras. Et effectivement, il a vu. Ouais. Après, il a perdu la vue. Bon, Espace-temps, en tout cas, ça sort lundi. On met Profiter de ma life et on finit avec le live d'Espace-temps, justement après. Yes. Aïe, aïe, aïe. Masca, mon gravon sûr. Je connais depuis des années. Il m'a invité chez lui. Je dois l'appeler. Lundi, dans les bacs. Profite lundi, dans les bacs. Profite de ta life, nigga. Est-ce que je dois profiter de ma life bien avant que ma vie s'écoule? Mieux sortir que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout de suite, toi t'es sauté. C'est une course poursuite, moi je m'épuise. Wesh Gava, tu te pavanes. T'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Les personnes aiment te croiser quand t'as trop picolé. Tu veux une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, sur non. Mais rame à deux. Est-ce que je dois profiter de ma life? 9e zone, avant que ma vie s'éteigne. Mieux sortir que faire de ma vie. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout de suite, quand t'es sauté. C'est une course pour Zélie. Moi je m'épuise. Je veux pas la barricade, Drake. Je veux monter un humble de bien barricadé. Demande à barricadé. Le dream, c'est la famille, tout le reste est gâté. Petit, je voulais tout de suite. Je voyais les choses en grand, fallait pas que touche que le smic. Petit, ferme ta bouche. Parler d'argent ici en France, c'est tabou. On n'est pas dans le pays d'Obama. Si t'as réussi ta vie, on te regarde mal. N'essaie pas de débattre si les gens parlent mal. Bienvenue. Le vin, c'est bien pas mal. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve. Soit je m'isole, soit je deviens fou. Quand t'es sauté, c'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Je suis entouré de bif, de meuf, de débaf. Que faire? Que faire? Finir à BKO en Maybach, il faut le faire. Il faut le faire. T'es sorti clean, t'as pas le temps. Deux, trois poteaux qui t'attend. Un beau mytho pour madame, ça passe. Elle va m'y ça t'arrange. Yes. Bouteille à ta table, t'es refait. En place avec tous tes refrains. Deux jolis métis. Que faire? Mes yeux fatiguent, je te sers. Vous connaissez les refrains. Le blanc, foncez jusqu'à demain. Vous croyez déchirer, être au-dessus des hommes. Il est chez lui, man. Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma naïve? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Le vent tape dans les bagues. Profite pas trop quand même. C'est une course poursuite. Moi je m'épuise. Qui a sous-estimé loi? Qui a sous-estimé qui? Qui a négligé le blanc? Yeah. Profitez de ma life voilà. À l'instant. On reboosté là. Un morceau qui fait cher et un morceau qui fait du bien aux Lensois qui sont en train de mener face à Paris. Ah ouais. Ah ouais. Koulibaly au bout de 10 minutes qui vient de marquer un morceau. Ouais. Profitez de la life. Ah non, là, mon texte déprime là, je vais l'interpréter chaud là. Ah ouais. Ah ouais, là. Les Lensois sont en transe au Stade de France et ils jouent à domicile en fait maintenant. Les Lensois, en fait, ils sont installés au Stade de France. Oui, je sais, Momo, 3 matchs. Calme-toi, Momo, il est en dépression. Ça y est, il voit pas le match. Koulibaly, un but incroyable. Hein. Franchement, une remontée de terrain. Bah franchement, non, c'est pas très intéressant. On va pas s'arrêter là. On va pas en parler maintenant. Il y a un truc plus intéressant, Fred. Et bah, c'est le clip, je ne dirai rien aussi. Je tiens à préciser, ouais, le clip, je ne dirai rien. Est sorti, il est disponible en ligne sur www.b-com. Et il y a le clip Profiter de ma life aussi qu'on vient d'écouter, voilà. qui est en ligne. Vous pouvez vous taper Profiter de ma life sur YouTube, il est là. Et aussi le clip Yin et Yang qu'on a interprété, maquillé, Abou de Beng et moi-même, mardi dernier. Il y a le live sur les vidéos de Skyrock sur YouTube. Et aussi un clip très bien réalisé par l'équipe de Demolition. Donc voilà, allez cliquer, n'hésitez pas. Voilà, vous êtes au courant. Est-ce que tu es prêt pour conclure ce Planète Rap Masca à nous faire un live? Complètement, toujours. C'est le dernier jour. C'est le morceau qui s'appelle Espace-temps, un morceau important puisque c'est aussi le nom de l'album. C'est le nom de l'album, c'est le titre avec lequel je termine l'album. C'est un titre sur lequel je me confie énormément. Mmh. Donc voilà, je laisse parler mon cœur dessus. C'est la principale utilité que la musique a pour moi. Donc c'est tout, moi, c'est du Masca. Espace-temps. Allez, Espace-temps en live. Merci. Maintenant avec Masca. Les images sur Skyrock FM et sur la page. Ok. Il n'y a pas mon gars Bastan. Espace-temps dans les bacs. 20 octobre. C'est lundi, allez le chercher. Austère à la prod. Yeah. Mon gava. Mon gars austère. Yeah. Comme toi, je me contiens. Yeah. 20 octobre dans les bacs. Masquia. Comme toi, je me contiens et j'attends que le vase se remplisse. Mes idéaux s'empirent, mais tant pis, c'est la vie. J'ai pas le choix d'avancer sur une lame aussi fine que celle de leurs pensées. Tu m'as fait parler d'amour, mais c'était pour m'étouffer. Hein? Un jour tout se sait, j'ai de l'amour, j'ai de la haine, mais qui en vaut la peine? Un ami qui va trahir pour un boule qui pue la merde. Je veux revenir dans le jean, là où les gens sont dignes, mais la courte durée de ma vie n'est qu'un mensonge qui m'attire. J'ai de la peine pour les Antilles, le soleil nous a menti. Il nous donne le cancer en nous disant je vous embellis. Les journalistes sans beurre, ils se nourrissent du malheur. Leur voix ne tremble plus en parlant de mort tous les quarts d'heure. La terreur paralyse, mais la peur te motive. Notre fierté aura raison, bien qu'elle soit toujours fautive. L'espèce humaine est plus dangereuse pour la terre que son magma. Je suis qu'un pêcheur dans sa lave qui vient de perdre son appât. Est-ce que tu percutes? Ça va pas, je m'étouffe dans des draps de soie. Mon cœur perd de sa valeur, le diable me dit ça va de soi. Je suis peiné quand je vois ma foi diminuer sous le poids du rap qui me fait kiffer sur l'instant, mais me tue de façon durable. Je fais un artiste, je suis un artiste qui écrit des textes avec l'artiste. J'aurai que lorsqu'on sera parti, qu'aura quelqu'un devant ma clique. Persuadé que le mal m'habite, refait surface en cas de panique. Y'a pas de kiff quand y'a pas de risque, mais qu'est-ce qu'on kiffe être à l'abri? On aime ceux qui nous abîment, le bon son en dessous de ma team. Ma France ne paraît paradis, on se crée des pouilles, les sous de l'Afrique. Demande des sous pour tsunami, en fait ce sont des sous nazis. En un tour de magie, l'alcool me soulage vite. Il nettoie les blessures, mais pas celles de mon cœur. C'est dans tous les sens du terme que l'alcool devient trompeur. Ok, tu sors de talk, c'est plus la mode des bombers, mais celle des boules bombées qui ont mis leur cœur dans un bon cœur. Mon existence n'a pas de sens, mon cerveau n'a pas de raison. Je suis perdu comme un fou, je pense m'être enfermé dans ma maison. J'apprécie ma souffrance car je sais qu'elle partira pas. Je m'en plains pas, je relativise l'ingratitude, ça l'ira pas. Ma reconnaissance des teintes de vie, ça rit, non c'est pas ça que je vise. Ma fragilité me brise, comboulé comme le soleil. Il m'aveugle, j'ai besoin de lui. Me réchauffe, trouble mon sommeil. Quand je le regarde, il me nuit. Assoiffé en Somalie, c'est dur de pisser de rire. On cherche à jouir de la vie pendant qu'ils essaient de vivre. C'est vrai que le respect se tire en même temps que le temps passe. Leurs discours sont vides de sens, pourtant leurs conneries s'entassent. Si t'as une une femme bien, prends soin de cette perle rare. Chercher ailleurs ne mène nulle part. Ça calage par intérêt, ça se bute pour rien. Pour un terrain, t'obtiens le respect. Tu crois que t'es frais, t'es prêt à tout, pourtant t'es rien. J'ai délaissé salade pour embrasser trop de salsa. J'peux pas posséder ma life, s'te plaît, paraquette-moi. Ne me laisse pas mener ma barque. Tu connais le blanc et barge. Rappelle-moi que je suis sous les mannes, tu sais, j'ai pas de mémoire. Son absence me fait du mal, mon père est parti trop tôt. Je le rejoins dans sa tombe, à rire, pas de quiproquo. J'suis comme Quasimodo à force de porter ma douleur. Ma douleur. Mais j'ai le sourire à toute heure, j'en veux aux gens quand je vais mal, pourtant c'est eux qui me font du bien. J'ai des défauts ancestrales, ils m'ont dit que je descends du sein. Chaque fois je m'attache à une femme qui me tend ses seins plutôt que ses mains. J'y vois plus clair dans les flammes, mon âme crame et s'y éteint. Quand l'homme ne veut plus se taire, il laisse parler les guns. Pour réparer ce monde, est-ce qu'on doit casser des gueules? Rester en place dans le rap, c'est comme s'euthanasier. On l'aime pas mais on reste là, c'est comme cet état raciste. Oui, tu m'aimeras davantage le jour, je vendrai moins 10. Ma tête en l'air fait mal au cou, tu me préfères avec moins de fric. Enfin, je me regarde et je me dis, ferme ta bouche, qu'est-ce tu parles? La vie c'est hardcore comme une daronne qui fait du hard. Satisfaire l'homme c'est comme Dieu donné sans polémique ou rassasier un boulémique. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le fric? Un texte un peu sensé comme celui que je viens de faire. Certes y'a de l'émotion mais qui te dit que je suis sincère? Vas-y savoure mon son, l'espace-temps dans ta tête. Ce monde n'est qu'un mensonge intemporel, te le rappelle. Je pense qu'on peut faire beaucoup de bruit pour cette semaine et puis pour ce morceau à l'instant pour conclure espace-temps. Masca, yes. Morceau qui conclut donc l'album et qui donne le nom aussi à cet album qui est dans les bacs lundi. Exactement. Merci beaucoup Masca pour cette semaine. Merci à toi Fred, merci à tous les auditeurs qui m'ont écouté cette semaine. Voilà, quand je vous dis d'aller acheter l'album, c'est vraiment que j'ai mis mon cœur là-dessus. Donc je sais que j'ai un peu insisté c'est toute la raison de vivre d'un artiste, c'est cet album-là. Donc c'est vrai que ça peut être mal interprété, mais il veut trop vendre son album, mais il y a une raison. Je suis obligé de l'expliquer. Et parce puis que ça peut être interprété en disant voilà, il est fier de son boulot. Exactement ça, c'est ce que je veux dire. Je suis fier de mon travail, c'est mon cœur, c'est ma vie que j'ai mis, c'est ma raison de vivre. Donc j'hésite pas à dire d'aller le chercher. Voilà, c'est le principe du verre à moitié plein. C'est le yin et le yang. Tout dépend comment tu regardes et comment t'entends. Mais je pense qu'on a entendu en tout cas cette semaine quelqu'un de sincère, voilà, quelqu'un évidemment qui aime ça et qui a envie de parler de son album et surtout alors. C'est vrai que tout à l'heure j'ai dit défendre, j'aime pas le terme défendre un album parce que. C'est vrai que c'est bizarre défendre un album, mais voilà, en tout cas qui a donné envie, je l'espère, à beaucoup de gens de se procurer Espace-Temps. Ça sort lundi, toujours en précommande dès maintenant. Vous pouvez cliquer, ouais. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Vas-y, Elio. Wati Soldat, une annonce très importante. Allez chercher ce putain d'album. Le gars a travaillé depuis des années, je l'ai vu. Il dormait pas, des fois il se couchait à 7h du matin. J'étais avec lui. Espace-Temps, l'album d'un des piliers de la section d'assaut. Allez le chercher. Imaginez-vous intemporel. Il y a de la musicalité, il y a des textes. Il y a des vrais thèmes. Voilà. Allez chercher Espace-Temps. Merci à Elio. Elio aussi qui va venir, qui prépare son projet. Il faut le rappeler. Pour la Pétronation qu'on salue. Archi lourd. Vraiment, tous ces titres, c'est super bien bossé. Voilà. Un grand salam merci à tous. Merci à Linso qui était là aussi ce soir. Nous supporter, l'insolent. Et tous ceux qui sont passés la semaine, Abou de Beng qui est passé, Black M qui est passé. Black M, JR, Doumams, tout le monde. Hashtagger, tout le monde. Voilà, grosse dédicace à mon quartier aussi, 9ème zone. C'est là-dedans où j'ai grandi. C'est ce qui m'a formé. Donc, dédicace à toutes les têtes du 9. Et dédicace à tous les gens au placard qui sont en prison, qui peuvent pas sortir. Je les invite aussi à continuer. Le CD, Masca, c'est du lourd. Si tu veux te sentir libre derrière des barreaux, c'est maintenant. Avant de se quitter pour ce soir, on fait tourner la roulette tout de suite, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. Avec Alice de Varade. Salut Alice. Salut. Ça va bien Alice? Tu es prête à faire tourner la roulette? Oui, bah oui. Tu as entendu Masca toute la semaine? Ouais, bah ouais, c'est trop bien. Voilà, trop bien. L'album, ça sort lundi. Est-ce que tu vas aller acheter l'album, Alice? Bah ouais, ma mère vient me l'acheter. Ah. Ouais, pas mal, faut négocier avec maman. Bah c'est les vacances en plus, Alice, t'es bien là, t'es en vacances? Bah ouais, en plus, je suis en vacances hier soir. Depuis hier soir? Ah bah toi, ouais, c'est bien, t'as commencé. J'ai tourné pédagogique. T'as commencé avant tout le monde, donc terrible, parfait. Donc tout va bien pour toi, Alice, allez, on fait tourner la roulette. Ok. C'est parti. Ouh, ça sortait les tripes. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur... Et ben voilà, concert de Soprano. Ah, trop bien. On te fait un bisou, Alice. Bah, merci. Ciao, ciao. Deux places pour aller voir Soprano en tournée. Merci à toi, Alice, et merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci à toi, Fred. Merci pour ce plan trap. Momo, toujours 1-0. Il y a Cavani qui a encore loupé un caviar. Ouais. On va se rattraper. Allez, ça, il faut être derrière le PSG, même quand ça va mal, on est là. Il n'y a pas de problème. Yes. Et puis, on salue les Lensois, bravo. On va retrouver Difool et je pense Samy qui doit être déchaîné, qui n'est plus Marseillais, mais Lensois. Fantastique le match. Quoi. Voilà. Fantastique le match. Allez, Rochelle, s'y gagne. Fantastique. Et hors. Ah, bon, on est content, Samy. On va revenir. Franchement, on rigole bien ce soir. Ça n'a pas démarré l'émission que Samy est déjà bon. Un bon début de soirée, gros. Calme-toi, Samy. Non, mais c'est bien. En plus, il y a du monde au Stade de France pour ce match, tu vois. Oui, c'est blindé. C'est pas la petite humiliation. C'est blindé. Ah ouais, blindé, ouais. Nous, on va suivre le match en direct ce soir. Avec nos supporters, le PSG représenté par Karim et Momo. Ah bah, il est au fond du trou, Momo. Samy représente Lens ce soir. Allez, 20 minutes de jeu, Mathieu dit, il sort déjà là. C'est pas bon le PSG là. Allez, les Lensois. Aïe. C'est les haines comme les Lensois. Bon, merci Masca pour cette belle semaine. Hein. Merci. Merci pour ta visite hier dans l'émission, c'était sympa c'était en plus. Hein. Oui, on s'est bien marré hier soir. On a passé un bon moment avec, avec Masca, avec Black M qui était là aussi, Doumams, JR. Yes. Ouais. Et puis on a passé une super semaine avec toi. Tout à l'heure, la nocturne de Planète Rap, et je crois, mais je ne suis pas sûr, je vais demander à Fredo, qu'il y aura du Masca dedans. Bien évidemment. Du Masca entre minuit et 2h, et on se passera aussi un extrait de ton album là tout à l'heure, Masca. Ouais. Cool. Et il y aura un garçon à découvrir qui s'appelle Black Brut tout à l'heure aussi dans la nocturne. Bon, on sera là à minuit, tout à l'heure, après la radio libre, à minuit, la nocturne de Planète Rap. Masca, lundi dans les bacs. Hein. Lundi dans les bacs. Ah, mais je t'ai toujours pas ramené ton CD. Toujours pas. Mais tu sais quoi, t'as plus qu'à aller le chercher. Ben voilà. Lundi dans les bacs. C'est la solution. Allez, rendez-vous à la boutique, on t'attend. On te passera un coup de fil la semaine prochaine, Masca, pour voir comment ça se passe. Vas-y, y'a pas de soucis. Lundi, donc, espace-temps dans les bacs, et puis radio libre dans vos radios ce soir. Là, c'est parti sur Skyrock jusqu'à minuit. Avec donc le match Lens-PSG en direct du Stade de France. Avec vous tous en direct, avec Pamela qui viendra nous rendre visite au village de la drague. Et puis bon, tout le reste, hein, profitez bien de cette soirée. À tout à l'heure, Fredo. Ciao. À tout à l'heure, ciao. Et semaine prochaine dans Planète Rap. Gradure qui débarque du Nord, à découvrir. Gradure toute la semaine entre 20 et 21. Il fait le buzz sur le net depuis plusieurs mois dans la nocturne. On a parlé la semaine dernière de Gradure. Voilà, et ben il débarque dès lundi, un petit peu avant 20h. Et ben ce sera pas loupé, 20h, 21h, semaine prochaine aussi. Tout à l'heure, la nocturne. Et là, c'est parti pour la radio libre. On va démarrer avec la crime. Coup d'envoi. Je suis Kotug. Ouais. Coup d'envoi en direct. On y va jusqu'à minuit. Ciao. À tous. Ciao. Salut Masca. Dans les bacs. Dans les bacs.